le dramaturge romain Afranius vécut au IIe siècle avant notre ère. Rien de plus remarquable, de plus juste que cette fiction par laquelle le poète Afranius nous peint la sagesse. Il l'appelle « fier de l'expérience et de la mémoire ». Il nous démontre par là que celui qui désire acquérir la sagesse et la connaissance des choses humaines ne doit pas seulement étudier les livres, la rhétorique, la dialectique. Il faut encore qu'il agisse, qu'il s'exerce au maniement des affaires. Il doit acquérir de l'expérience à ses dépens et graver profondément dans sa mémoire tout ce qu'on a fait, tout ce qui est arrivé. On doit ensuite se diriger avec prudence et régler sa conduite d'après les enseignements obtenus en courant soi-même des périls et non d'après les leçons que donnent les livres et les maîtres, dont les vaines paroles et les images charment comme une représentation théâtrale ou comme un songe.